ondes. Vous êtes bien sur 89.5 de Radio Dio et c'est vous qui va commencer. Alors exceptionnellement, on va pas laisser tourner le générique. Voilà, alors une émission, un boogie un peu particulier aujourd'hui. On reçoit un groupe, il y a Pascal qui est là. Salut Pascal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 89.5 Radio Dio Boogie. Alors avec Véro en régie, David, on salue Muriel qui n'est pas là aujourd'hui, j'espère qu'elle se porte un peu mieux. Et oui, effectivement, nous avons la joie de recevoir le premier groupe depuis le début de cette année, c'est Apex Music Club. Bienvenue les amis. Salut, merci pour l'accueil. Comment allez-vous? Bah ça va, on est bien content d'être là. Voilà, nous sommes donc avec Vincent qui est à la guitare et au cœur. Salut Vincent. Salut. Ou à la batterie, pardon. Oui, je suis à la batterie sur ce projet. Comment vas-tu? Très bien, merci. Laurent, donc voix et guitare. Exactement. Bien content. Et puis François qui est à la guitare et au cœur. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc ce matin je me suis promené, j'ai dit que je recevais un groupe du nom d'Apex Music Club. La première question, c'était quoi à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc je vais vous demander ça. Apex Music Club. Donc qu'est-ce que c'est et comment vous est venu le nom? Il y a une belle anecdote. Oui. Alors à la base, je voulais vraiment donner un nom à ce groupe qui était en rapport avec la musique et toute l'histoire musicale de la ville de Détroit. Voilà. Et je me rappelle qu'au début, on était parti, Vincent, avec un. On voulait mettre Hastings Street quelque chose dans le groupe et tout, ou alors Fortune quelque chose, voilà. Et un jour, Vincent m'a dit, mais en fait, Apex Club, ça marche carrément mieux. Et oui, en fait, pourquoi pas? Parce que Apex Music Club, c'est le club dans lequel jouait John Lee Hooker et dans le club dans lequel la chanson Boom Boom lui a été inspirée. Voilà. Ok, donc ils le seront. Donc ça fait combien de temps que le groupe existe maintenant? Donc tel qu'il est avec François à la guitare, Vincent à la batterie, toi à la voix et la guitare. Allez-y les gars. Alors sur cette formule avec François à la guitare, ça fait depuis le mois de septembre. Donc maintenant ça fait 4 mois. Mais on avait commencé quoi, 2 ans avant? Oui, à peu près, ouais, 2 ans avant. Ouais. En faisant une pause, une belle pause d'un an au milieu. Oui. Voilà, donc en gros, on avait essayé pendant un an, on s'est arrêté, puis François est arrivé en septembre. Voilà. D'accord. François, donc on va venir un peu vers toi maintenant. Vous avez tous des passifs musicaux, on va dire. Mm-hmm. Tu as pas mal roulé ta bosse, tu as joué avec qui par exemple? Ben, moi en fait, j'ai joué en amateur avec différents groupes stéphanois. Mais bon, c'est trop vieux. Mais dans les groupes un peu plus connus, on va dire, j'ai fait du folk rock avec le groupe Castlan. Ouais. J'ai joué dans un groupe de reprises qui s'appelait Back to the 70s. On reprenait tous les plus grands tubes des années 70. Ouais. J'ai fait des remplacements dans Devil Joe. J'ai joué dans un groupe qui s'appelle toujours la Café Terra Aurora, qui est un groupe européen. Ah ouais, bien connu sur les ondes du 89.5. Ouais. Il me semble, ouais. J'avais monté mon projet qui s'appelait Les Jupes Fendues, un groupe un peu punk rock, un peu rigolo. Et puis tout un tas de projets différents et pas forcément rock, mais j'ai même plus les noms tellement ils sont nombreux. Mais c'est vrai que j'ai connu Lolo, on s'est connu en fait très tôt avec mon tout premier projet. On s'était croisé avec ton premier groupe. Avec Buzz in Fly. Buzz in Fly, à la MJC de Saint-Chamond. Ça commence à remonter un peu. Ah, ça remonte. et en fait, du coup, on s'est toujours croisé et on a joué ensemble. Bah voilà, les noms reviennent dans les DH. Qui était un groupe. Qui du coup s'est arrêté maintenant. Mais oui, et du coup, les copains, bon, ils m'ont appelé au mois de juillet, ils m'ont dit, voilà, dans Apex, on veut reprendre, la place est dispo en guitare, ça te branche. Et moi, je connais ça un peu. Je suis allé réécouter les trois titres qu'ils avaient enregistrés. Et j'ai dit, pas trop bien. Ouais, ça envoie du bois. Et c'est super. Et voilà. Moi, j'avais une question pour toi, François. Est-ce que, comme tes deux acolytes, tu es multi-instrumentiste? Alors, beaucoup moins. Alors, j'ai été... Ah, c'est marrant, ça, les noms me reviennent. J'ai été chanteur dans La Maison qui tient chaud. Un groupe de Haute-Loire. Très connu. À chaque fois, ils vont trouver. Très connu. Et donc, je chante. J'ai chanté, je chante moins, mais non, je joue de la guitare et le reste, c'est de l'amusement. Essentiellement de la guitare. Ah, essentiellement de la guitare. Okay. Toi, Vincent, avec Laurent, on peut dire que c'est une escapade hors Devil Joe. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Tu, contrairement à la guitare, tu es à la batterie sur ce, sur ce groupe. Tu peux nous parler un peu de ton passé musical aussi? Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, j'ai toujours fait de la guitare. Enfin, j'ai toujours fait que de la guitare. Et Laurent, un jour, je m'en souviens, alors je ne sais plus la date exacte, est venu me voir. On était un petit peu en pause avec Devil Joe parce qu'on changeait de chanteuse et que ça prenait du temps. Et il me dit, ouais, ça te dirait de jouer dans un... J'ai une idée de faire un groupe, un trio garage rock, deux guitares, batterie. Est-ce que ça te dirait d'en faire partie? Je dis, bah, super bien, moi j'adore jouer de la guitare, du blues à la guitare. Il dit, non, non, mais moi ce que je cherche, c'est un batteur qui ne sache pas jouer de batterie parce que je veux quelque chose de très simple et tout. Et j'ai pensé à toi. Voilà. Une énergie un peu punk, c'est ça? Voilà, et moi à l'époque, je n'avais jamais touché de baguette et je n'avais même pas de batterie. Donc je lui ai dit, on avait le temps, j'ai dit, allez, bah, on essaye. Et donc c'est parti comme ça, voilà. Très bien. Et toi, Laurent, donc, tu as eu l'idée de ce trio Garage Blues. Oui. Comment t'est venue cette idée? Parce qu'avec Devil Joe et tous tes projets, je ne pensais pas que tu allais encore monter un nouveau projet, quoi. Bah, en fait, ça vient un peu d'une espèce de... Comment dire avec Devil Joe, en fait, la musique évolue, voilà, par rapport à nos débuts qui étaient beaucoup plus blues que maintenant. Et en fait, j'avais toujours le blues vraiment très très proche de moi, quoi. Et j'ai voulu faire quelque chose à côté pour, entre guillemets, revenir à quelque chose de plus brut, en fait, de plus en phase avec le blues que j'aime. Ouais. Et du coup, je me suis pris, j'ai pris comme exemple tous les groupes garage, en fait, hein, qui ont très souvent pas de basse, hein, comme les plus connus, c'est les White Stripes, voilà. Mais il y a aussi les Gorillaz, il y a le Gun Club, Soledad Brothers, qui est une influence majeure dans Apex Music Club. Et du coup, voilà, Vincent s'est mis à la batterie pour ce projet, et je lui dis, ouais, parce que en fait, je veux faire quelque chose de très simple, mais qui a de l'énergie. Et qui ait une espèce de ferveur, en fait. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est pas de jouer avec un batteur qui avait un niveau technique de fou. Je voulais un batteur qui sache faire quelque chose de simple, efficace et qui soit brut, en fait. Voilà. Et bah, pour le coup, Vincent s'est mis à la batterie pour ce projet et ça marche super bien. Alors, une question à vous trois. Qu'est-ce que vous entendez dans le terme garage blues? Alors, on a un petit peu tous notre définition. Je te laisserai commencer. Eh ben, pour moi, le garage blues, ça vient vraiment du côté garage. En fait, le côté un peu amateur, c'est un peu né dans les années 60. Le groupe de garage blues le plus, de garage tout court, le plus connu, c'est les Sonics. Bien sûr. Qui étaient à Washington DC, qui ont commencé vraiment avec du matériel très d'entrée de gamme, tout ça, un petit peu DIY, quoi. Et en fait, on caractérise cette musique par le mot garage parce que de cette culture-là, en fait, il y a quelque chose d'assez unique dans l'énergie qui ressort. Voilà. Et moi, Laurent, je voulais te demander, est-ce que tu entends par garage forcément un groupe américain? Eh ben, par extension, non, parce qu'il y a des super groupes de garage, même en France, par exemple. Alors, américain, oui, parce que c'est originaire de là-bas, et puis c'est surtout comme ça que ça se chante. Voilà. En France, en groupe de garage, ben, je vois le sticker juste derrière. Là, il y a Johnny Carwash, qui est très, très bon, qui est très, très fort. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez brut, d'assez âpre, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, vous ne voulez pas de basse dans ce projet-là. Oui, ouais, ouais. Pour sonner plus brut. C'est ça. Et Vincent, toi, quelles sont tes références dans le rock garage, dans le blues? On en parlait hors antenne tout à l'heure, de nos références tout un chacun. Quelles sont les tiennes? Alors, je crois que j'en ai pas, parce que c'est quelque chose que j'ai peu écouté, et à part les White Stripes. Voilà. Mais c'est vraiment, moi, une esthétique que j'ai pas vraiment écoutée. J'aime les choses un peu plus léchées, et, ou carrément métal, mais le métal n'est pas garage, ouais. Rarement. Donc moi, j'ai pas vraiment ce genre de référence. Donc c'était vraiment aussi une curiosité. Après, je côtoie Laurent, on est un vieux couple maintenant. Donc je lui ai fait confiance et je dis ouais, ça va être très très sympa, on y va. Et je découvre plein de choses. Donc ça, c'est super cool. Et toi, François ? Ben, moi, en fait, moi, le garage, pour moi, c'est l'énergie. Tout ce qui est un peu sale, ce qui est très direct. J'aime beaucoup les groupes en fait qui j'aimerais qu'en fait les albums ce soit des lives joués cash, tu vois, et que on arrête un petit peu trop lécher justement les disques et qu'on fournisse quelque chose d'enregistré limite avec un micro dans la pièce. Donc moi, ce que j'ai aimé dans cet esprit de Apex et ma définition du garage, c'est ce côté énergie. J'ai pas tout l'historique sur qu'est-ce que c'est que le garage et je me pose pas forcément la question, mais j'ai toujours entendu des groupes qui sonnaient avec une énergie brute, tu vois, t'as pas de réverb, t'as des amplis un peu sales, t'as même des amplis pas très bons, mais ça sonne en fait. Moi, ce que j'aime dans un groupe, c'est quand t'as une magie qui se passe. Alors, j'ai des copains qui me disent, mais c'est nul ton truc. Je fais, mais attends, mais t'entends l'énergie qu'il y a là-dedans, tu vois. J'ai pas de noms qui me viennent tout de suite. Mais ce côté, c'est ce que j'aime dans Apex. Quand les copains m'ont dit, viens jouer avec nous, je fais, putain, trop bien. Il y a ce côté direct et le fait qu'il n'y ait pas de basse, en fait, c'est pas que. C'est pas c'est bien ou c'est pas bien, un bassiste il va dire ça manque la basse, tu vois. Mais nous on cherche quand même à grossir un petit peu le son, de descendre un peu en fréquence. Moi je joue ma guitare dans un ampli basse, donc ça descend un petit peu, mais je reste dans un esprit très guitare dans le jeu. Mais voilà, pour moi le garage c'est ce côté vraiment direct, ce côté tu prends une baffe en fait. Ouais, c'est un peu aussi back to the roots, hein. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Et quand tu parlais de basse ou pas de basse, en fait le fait de ne pas avoir de basse dans un groupe, c'est un cachet en plus. C'est un cachet en plus, ouais. Et c'est un côté bon, on peut se reposer sur personne au niveau de au niveau de ces fréquences là, donc il va falloir assurer comme on peut, quoi. Justement, Laurent, est-ce que ça implique pas aussi que le guitariste est obligé de faire des power chords, comme on dit, et d'insister sur le côté rythmique de son instrument? Ah ben oui. Ben c'est en fait ce que je disais, mais avec d'autres mots. Voilà, tout simplement. En fait, voilà, quand on passe en solo, l'un ou l'autre, celui qui tient la rythmique, il faut qu'il l'assure. Voilà. Okay. Et voilà, il y a ce côté un peu DIY, quoi. Alors, on a pas de bassiste, on fait comme on peut, on se démerde, mais il faut qu'on assure. Voilà. Et alors nous, on n'a pas de bassiste parce qu'on l'a choisi, mais originellement, dans ce genre de musique, c'est surtout comme ça que ça s'est passé. Voilà. On ne trouve pas de bassiste, donc on fait ce qu'on peut. Ok, voilà. Je comprends. Et bah, très bien, les amis. Donc, bienvenue. Et merci. J'ai envie de lancer un morceau tout de suite. Alors, on a parlé de Johnny Hooker, j'avais prévu. Là, on va écouter un morceau enregistré avec Johnny Johnson. C'est un morceau en plus, un bonus de l'album Best of Friends. Okay. Où il est avec George Thorogood, Van Morrison, et là avec Johnny Johnson au piano. Écoutez bien comme il tape sur ses 88 touches, et ça sort d'une manière incroyable. Donc c'est parti, Boogie, il est 21h14 avec Apex Music Club, et le premier titre c'est Johnny Hooker. Après ça sera vos choix, les amis. Ça marche. Voilà. So tired, babe, going up and down. I'm tired, going up and down. Baby, I wanna come in, keep pushing, me waving you. I wanna come in, babe. Keep on pushing, me waving you, waving you. That ain't right. Voilà, Johnny Hooker accompagné de Johnny Johnson. Johnny Johnson. Magnifique. La petite histoire, c'est que Johnny Johnson avait le son trio, Johnny Johnson Trio, puis il a vu débarquer un grand échalas de Saint-Louis qui s'appelait Chuck Berry. Voilà, et Chuck Berry a totalement pris l'ascendant sur le groupe, un peu comme ce qu'avait fait James Brown avec les Famous Flames. Et Johnny Johnson, qui était un mec d'une extrême gentillesse, a laissé Chuck Berry déployer ses ailes et c'est devenu le patron du groupe. Et puis après, il y a eu Maybelline et tout ça. Voilà pour la petite histoire du rock'n'roll, c'est les amis. Nous sommes avec Apex Music Club, donc Vincent, François et Laurent. David, tu as peut-être quelques questions. Ouais, je voulais simplement revenir aussi sur, tu parlais de Chuck Berry, l'excellente émission sur Arte qui parle de la vie de Chuck Berry. Je vous invite tous à regarder ça. Ah, excellent, ça. Ok. Ça doit encore passer et on apprend plein de choses. Ok, top. Moi, je voulais revenir sur la formation du groupe. Laurent, tu disais, tu nous as pas dit quand vous vous êtes rencontrés, quand tu as décidé concrètement de monter ce projet. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous deux, vous vous connaissiez de David Joe. Ouais. Mais avec François, comment ça s'est fait, tout ça, quoi? En fait, comme il disait tout à l'heure, François, on se croise depuis des années, en fait, de plus ou moins longtemps, voilà. Et alors, le groupe s'est formé avec un autre guitariste que François, qui s'appelle Julien Ravel, qui était le guitariste de... De The Joking. Qu'on avait reçu ici il y a un petit moment. Et voilà, Julien a déménagé à Lyon et tout, donc voilà, il a dû quitter le groupe. Et en fait, ça tombait bien pour François parce qu'il est parti de la Cafetera Aura à peu près à la même période. Et il cherchait un autre groupe dans lequel se jouer, se s'épanouir un petit peu. Et il a sauté sur l'occasion. Voilà, donc ça nous a fait plaisir. Ouais, voilà. C'est ça, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Il m'a appelé en fait 2 jours après que j'ai quitté la Cafetera. Il m'a dit, ouais, en fait, on a un projet. Puis Vincent aussi m'a appelé. J'ai dit, banco, on se voit en septembre. Et, voilà. Et ça, c'était récent, c'était il y a quelques mois. C'était au mois de juillet. Ouais. Juillet 2025. C'est relativement récent, du coup. Ah, ouais. Et ben, Vincent, ça fait des années qu'on se connaît et des années qu'on est dans Devil Joe tous les deux. Donc, voilà. Vous arrivez à prendre le temps de travailler avec Apex tout en étant avec Devil Joe, c'est pas trop compliqué? Ouais, c'était ma question suivante. Mais c'est... Oui, pardon, oui. Excuse-moi, David. comment vous faites pour vous organiser avec vos différents projets, voilà? Bon, on a pris plus de temps là, ces derniers mois pour bosser avec Apex qu'avec Devil Joe, simplement parce que les plannings des autres aussi n'étaient pas vraiment dispo, donc nous on a mis les bouchées doubles avec Apex, et puis le fait que François arrive dans le groupe, ça a mis un coup de frais et un coup de motivation, donc on était dispo. Non, ça va, ça se marche pas dessus. On a largement le temps pour les deux. C'est, okay. Vu que c'est notre métier, on organise nos emplois du temps un peu en fonction de tous les groupes qu'on a, quoi. Voilà. Et avec Apex, tous les trois, vous avez choisi tout de suite la composition originale plutôt que des reprises. Vous avez travaillé comment au début ? Alors non, au tout début, on avait quelques reprises qu'on a toujours. Petit à petit, on les enlève, à l'exception de deux ou trois qu'on a personnalisées, on va dire. Mais non, on a commencé avec deux, trois reprises, histoire de se faire la main, voilà. Et par contre, on n'a pas traîné, ouais. On a très, très vite composé derrière. Ouais, c'était l'envie. L'envie était vraiment de faire des compos là, sur ce projet, pas de faire des reprises. Ouais. Exact. C'est un travail démocratique, l'écriture, chez Apex. Bah, en fait, moi, je n'ai pas connu avant, mais là, l'autre fois, au mois de novembre-décembre, Vincent a lancé un challenge. Il a dit, allez, fin janvier, chacun amène une compo. Donc moi, j'étais malade, j'étais couché dans mon lit et j'avais une grosse crève au mois de novembre-décembre. Donc j'ai pondu un titre qui est en phase de travail, qui aboutira ou pas. Mais, oui, qui est bien parti pour, en tout cas. Je me suis mis en challenge à dire, bah, banco, je vais essayer en fait, de composer pour ce projet. Donc j'ai pris mon pied à faire ça. Et puis, on a commencé à le travailler ensemble. Mais après, je pense que peut-être Lolo, t'es peut-être un peu plus à la base des compos précédentes. Oui, ouais, forcément. Bah après, maintenant, c'est... Il y a un peu ce côté démocratique, en fait. C'est qu'on essaie d'amener... moi, j'essaie d'amener quelque chose de tout fait. Voilà. Je fais un peu comme ça dans Devil Joe. Et même s'il y avait... Dans Devil Joe, on est un peu plus nombreux. Donc, il y a un petit peu plus de place au buff, tout ça. Tu travailles en re-recording, en fait. Oui, ouais, voilà. Okay. Ouais. Et après, tu soumets aux musiciens. Voilà, c'est ça. Et en fait, si chacun peut apporter sa modification personnelle dans la structure ou alors dans le jeu, dans l'interprétation, tout ça, c'est le but, en fait. C'est de faire quelque chose qui ressemble à, un peu à tout le monde, en fait, dans le groupe. Ok, ouais, François, tu dis ça, mais c'est parce que t'es mal à l'aise avec la composition, parce qu'avec le nombre de groupes auxquels t'as participé, en fait, on s'étonne du fait que tu sois pas plus. Non, moi j'ai écrit des musiques, et je compose des musiques très très calmes, hein, musique hypnotique, guitare acoustique. Okay. Je suis un compositeur entre guillemets dans l'âme, j'aime pas ce terme, mais après, je veux pas me précipiter quand j'arrive dans un groupe à dire chouette, j'ai des idées. Je me suis cassé la gueule une fois ou deux à amener des titres dans certains groupes. On m'a dit, bah, tu vois, ça colle pas. Je fais, bah, très bien. Deuxième titre, ça colle pas. Troisième titre, ça colle pas. Donc après, tu te mets en retrait. Et tu te dis, c'est la vie, en fait. Ça marche pas, c'est pas grave. Et Apex, moi, en fait, j'ai tout de suite trouvé ma place dans ce groupe parce que quand on parlait du garage et de l'énergie, moi, je viens vraiment du rock, en fait. Il y a vraiment un truc qui fait que quand j'ai connu à 13-14 ans le rock, AC/DC, j'écoutais un peu de metal, heavy metal avec Iron Maiden, j'ai pris une claque monumentale et j'ai dit à mes parents à 13 ans, je serai guitariste. Voilà, ce sera mon métier. Donc je foutais plus rien à l'école, je bossais que ma guitare. Et j'ai repris Iron Maiden sur une guitare classique parce que j'avais que ça. J'ai acheté une guitare électrique après. Mais l'idée de la composition, elle était instinctive en fait. J'ai dit, mais les gars, en fait, ils jouent de la guitare, mes vedettes préférées, ils composent, je ne suis pas plus con qu'un autre, en fait, je vais travailler pour ça. Après, je ne veux pas m'imposer dans des groupes, et on parlait tout à l'heure de la maison qui tient chaud, dans laquelle j'étais chanteur, en fait, j'interprétais les textes de l'ancien chanteur, et je n'ai jamais composé dans ce groupe. Mais j'ai pris mon pied à être un interprète, et de porter en tant que porte-parole de chanteur, ce groupe, donc ça a été vraiment la classe. Mais après, j'aime pas bousculer non plus, arriver en disant ouais, je compose, regardez les gars, je me prends pas la tête, et si ça match, ça match, et s'il y en a un qui a plus de talent que moi pour le faire dans un projet, et super, hein, tant mieux. Et Vincent, tu pourrais nous parler aussi de tes origines, de ta passion pour la musique ? Oui, ouais, c'est un peu la même chose que François. J'étais moins, à 13 ans, j'avais aussi la passion, mais j'étais moins sûr de vouloir devenir guitariste. Si, j'avais très envie, mais j'étais pas sûr d'y arriver. Et j'ai attendu 25 ans, j'ai commencé vraiment à devenir professionnel. Et ouais, moi après, ouais, c'était le... Toi, tu disais c'était Iron Maiden. Moi, c'était d'abord Led Zepp et Hendrix. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis après, Metallica, puis toute la vague des Guitar Hero. D'accord. Les Steve Vai, les Yngwie Malmsteen, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis, que dire d'autre ? Moi, je voulais te demander si entre toi et Laurent, si c'est la même chose avec une batterie et une guitare qu'avec deux guitares, quoi. Le travail, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. S'il y a la même synergie, la même... Je crois que oui. Ouais, ouais. Alors, j'ai beaucoup moins de répondants à la batterie musicalement qu'à la guitare. Mais avec Laurent, c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis si longtemps que ça. On s'entend très, très bien. Et il n'y a aucune histoire d'ego ou quoi que ce soit. Donc, en fait, toutes les idées qui sont amenées, surtout par Laurent, sont essayer avant d'être validé, mais il n'y a aucun problème de... Souvent, c'est ça, dans les groupes, il y a des va-et-vient entre les musiciens, ouais, sur les idées. Et des fois, elles sont bloquées simplement pour des histoires d'ego ou de petites broutilles. Nous, on est un vieux couple, hein, on peut avoir nos petites histoires. Mais quand on fait de la musique, non, là, franchement, c'est vas-y, on écoute. Ah, ça, c'est super bien, ça matche pas. Et voilà. Et que diriez-vous de nous jouer un petit morceau live ? Parce que vous êtes venu avec les guitares à six coups, avec le Caron. Donc voilà, on va écouter un titre, Laurent, qui s'appelle Wasting Time. Alors, petite anecdote, en fait, c'est un titre qui a été écrit par Julien, le premier guitariste. Donc voilà, je pense que par la suite, on le réécrira, mais c'est un titre qu'on a gardé et qu'on prend plaisir à jouer. Voilà. Très bien, je vous laisse vous installer. Puis je voulais dire deux, trois mots sur le Caron, quand même, un instrument de percussion. Il est né au XVIIIe siècle, on le trouve en Amérique du Sud. Et à la base, c'est un objet de travail pour les esclaves dans lequel ils mettaient c'était une caisse en bois dans laquelle ils mettaient les fruits. Donc encore un instrument venu de la contrainte et c'est devenu maintenant un instrument très pratique, un instrument de percussion que vous allez entendre donc avec Vincent. Laurent est au chant et à la guitare et François au cœur et à la guitare. Alors on va vous mettre les micros les amis et puis on y va. Donc c'est parti sur le 89.5 Radio Duo avec Véro, David et Apex Music Club. Let's go. I don't wanna waste my time, as you said. Many years out of my mind, like always ready for a day. Depressed and loneless, what's an answer that makes me breathless? Thank you. Oui, merci. Apex Music Club en live sur le 89.5. Merci les amis. Revenez à table, on va discuter. Merci beaucoup. Donc c'était Laurent. Donc c'est un de vos premiers morceaux hein, que vous avez enregistré, vous avez écrit, pardon. C'est ça. Ça fait partie des premiers morceaux qui sont sortis tout de suite après les reprises qu'on faisait et qu'on continue de jouer d'ailleurs. Ouais, dans la sonorité. Dans la sonorité, Laurent, je reconnais un peu des titres des Stray Cats sur ce morceau. Oui, ben Julien. Stray Cats Rock. C'est ça, ouais. Julien, c'est un gros fan de Brian Setzer et de cette culture-là. Donc ça s'est senti. Ouais. Alors j'ai remarqué, il n'y a pas uniquement un soliste et un rythmique. Vous partagez les solos de guitare. C'est ça, ouais. Bon, en fonction de comment on le sent, de ce qu'on a envie de dire aussi, voilà. Et puis il y a aussi une histoire de parité qu'on a envie de respecter, voilà. Ouais, démocratique. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est le grand talent de Laurent, en fait, c'est un compositeur, il a ce côté meneur, mais comme disait tout à l'heure Vincent, il est hyper ouvert, en fait. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai aussi changé un petit peu le son du groupe, j'ai amené un petit peu ma patte dans mon son à moi, et j'ai tout de suite vu que c'était ouvert, qu'on pouvait mettre de la wah-wah, qu'on pouvait mettre 2-3 effets pour embellir le truc. Moi, j'aime bien ça, mettre un petit slapback qui fait que dans ton solo, t'as un petit truc qui fait que. Donc voilà, c'est hyper ouvert, on en discute ensemble, et puis des fois c'est oui, des fois c'est non, ça match, et voilà. Donc c'est ça, la grande classe qu'il y a dans ce projet, c'est que c'est humain, c'est à l'écoute et c'est démocratique, ça c'est cool. Ouais, c'est trois potes qui s'éclatent. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on parlait de rock garage, mais moi j'ai trouvé un petit côté soul aussi avec ses chœurs, tu vois. Oui, ouais, ouais. On peut ressentir ça comme on a envie. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la langue de Shakespeare, quel est le thème abordé dans cette chanson, par exemple ? Alors, c'est une chanson qui a été écrite par Julien aussi et qui témoigne un petit peu de pensées un petit peu particulières. Voilà, elle parle de tout ce qui se passe autour dans le monde et qui arrive à déranger les gens ou alors qui arrive à interroger les gens sur ce que va devenir le monde. Voilà. Très bien, vous vous sentez, ouais, vous êtes concerné. Oui, voilà. En tout cas, voilà. C'est une chanson qui a un thème très particulier par rapport à tous les thèmes par rapport au thème qu'on aborde dans nos paroles, quoi. Ouais, Laurent, pour revenir à ce que disait François sur le fait que tu laisses de la place, est-ce que c'est le cas dans tous tes autres projets, même si on n'est pas là pour parler des autres groupes, mais est-ce que c'est la même façon de faire, c'est-à-dire que tu apportes quelque chose et puis tu es à l'écoute de tes autres musiciens qui peuvent apporter des idées ? Oui. Alors, dans les autres projets, tout dépend de la place que j'ai. Mais oui, ouais. En fait, en tant que musicien pro, on arrive à rentrer dans des projets musicaux où on nous dit simplement de faire ce qu'on doit faire et on le fait surtout pour bouffer, quoi. Mais par contre, à partir du moment où il y a un petit peu d'humanité, un peu de personnalité dans ce qu'on fait, j'aime recevoir ce que les autres peuvent prendre. Peuvent me donner, pardon, parce que en France c'est pas très français. t'inquiète. Et l'inverse aussi, voilà. J'ai proposé aux autres des choses que moi j'entends, voilà. Et Vincent, vous composez donc depuis le début, vous l'avez dit, vous avez quelques reprises aussi. Mm-hmm. Vous reprenez quel titre par exemple ? On reprend une chanson de Queen of the Stone Age, No One Knows. Une version un peu différente qui avait été déjà travaillée à l'époque par les Devil Joe. Voilà. On fait une version d'un titre de Billie Eilish. Donc là, on fait un petit peu un grand écart. Voilà. Mais qui est assez cool. Aidez-moi, il y a quoi d'autre ? C'était simplement un ou deux titres comme ça. Mmh. C'est vrai que, vu les références que vous avez tout un chacun, ça ne peut être que riche, votre musique, quoi. Chacun apporte son petit truc. Ouais. Et après, en termes de reprise, c'est un peu le même esprit que dans Devil Joe. C'est-à-dire que quand on décide de faire une reprise, on essaie de l'adapter à nous, voilà, en fonction de comment on aimerait la tourner, comment on aimerait l'arranger. Et dans les premières chansons qu'on a travaillées, il y avait une reprise de Boubou Davis. Ah voilà, oui, aussi. Oui. Qui s'appelle bien du concert à Avignon. Ouais, ouais, ouais. Qui s'appelle Trying to Get Ahead, et ça, ça fait partie des chansons qu'on va laisser un petit peu pour faire place à, pour laisser place aux compositions, mais on la joue encore, voilà, dans les sets un peu longs. Qui dit Boubou Davis dit un harmonica. Et oui, voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça dans le groupe? Oui, ouais, il y a quelques chansons que Laurent joue à l'harmonica. Ouais, ben pour le coup, sur celle de Boubou Davis, on n'a pas mis d'harmonica, donc c'était un peu notre initiative. Mais il y a un petit moment harmonica dans notre set, dans notre concert. Ouais. Ok, les amis. Ça m'amène une question. Est-ce que tu te sentirais capable de jouer comme certains chanteurs avec un harmonica comme ça pour pas lâcher ta gratte? Est-ce que tu as déjà essayé accroché ça au cou, là? Ah, ouais, voilà, accroché au cou, ouais. Ah, tu veux dire à la folk, à la Dylan, tout ça. Eh ben, j'ai essayé et je suis pas à l'aise. Ok, voilà. En fait, on peut être, à moins de travailler à ça, beaucoup, je trouve qu'on est assez limité, en fait. Voilà. D'accord. On n'est pas assez libre de ce qu'on veut faire. Et non, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. D'accord. J'avais une autre question concernant votre répertoire. On peut l'estimer à combien? Bien le répertoire des chansons que vous répétez, que vous seriez capable de jouer en concert? Il y en a aujourd'hui une quinzaine, je crois, à peu près. Pour l'instant, il y a une quinzaine de chansons. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Bah, on a fait une date au mois de novembre ensemble et on a joué 15 titres en 1h25. C'est ça. Quasiment. C'était ouais, où ouais. C'était. Il y avait du monde. C'était. Ah, c'était fun. C'était une soirée Beaujolais Nouveau à Villars. Ok. Ouais. C'était rigolo. Ouais, ouais. Ah, c'est rigolo. Non, le public qu'on attendait, enfin qui n'était pas forcément garage blues, tu vois, tu dis tiens. Et mon ami, ça a guinché. Et ça le fait quand même. Quoi. Ça a même dansé le Madison. Ouais. C'est pour dire. Et c'était marrant le côté électrique de la zic, tu vois, et un peu péchu. Et les gens qui dansaient et qui nous regardaient, qui à la fin nous ont félicités, on était contents. Je pense qu'il y en a au fond qui étaient contents qu'on s'arrête. Moi aussi, oui. Ils étaient venus pour grailler, tu vois. Une sorte de public. Mais mine de rien, moi je suis arrivé, j'ai fait les gars, soit pas la première date, waouh. Et puis en fait, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. J'aime bien ce côté antinomique, tu vois, tu présentes un projet un peu particulier, tu dis, waouh, là ça peut pas matcher. Et bien finalement, c'était plutôt fait. Ça le fait quand même. Alors vous êtes venu avec vos albums de référence ou des titres que vous aimez bien, et j'ai envie de commencer par un album que tu as amené, Laurent. C'est un tribute to le King of Zydeco, ouais. C'est-à-dire Clifton Chenier. On est en Louisiane. Le Zydeco, c'est les haricots sont pas salés. C'est ça. Hein, voilà, parce qu'on pouvait pas mettre de sel dans les haricots, ils n'avaient pas de thunes. C'est à peu près ça. Oui, bah, c'est ça d'ailleurs. Ouais. Et donc, qui a-t-il sur ce tribute? Les grosses stars qui sont là-dessus. Alors c'est justement assez saugrenu dans ça. C'est sur la chanson de Clifton Chenier qui s'appelle Les haricots sont pas salés. Mick Jagger qui chante. Voilà, les Rolling Stones sont là-dessus. On a aussi des mecs comme Sonny Landreff, tout ça. Ouais. C'est la scène assez nouvelle, on va dire, de la Louisiane. Voilà. Mais c'est un tribute qui est fait avec beaucoup de classe, et je trouve que c'est super touchant, en fait. Ah bon, donc le morceau choisi par Laurent, après on passera au choix de Vincent, de François. Là, ça vous est dédié ce soir, hein. Toute l'émission est pour vous. Sympa. Donc Easy par Steve Crockett et Nathan Williams Jr. Allez. Un bel hommage à tous ces musiciens de la Louisiane et dans le Bayou. Voilà, on pense à la musique Cajun, on pense à Amédée Ardoin, tous ces musiciens-là, tu vois. Oui, bien sûr. Et Clifton Chenier était vraiment le leader de la scène Zydeco. Donc, cet extrait d'une compilation qu'on peut trouver où, Laurent ? Eh bien, c'est... Alors, moi, j'essaie toujours de faire travailler les disquaires du coin. Voilà. Je l'ai demandé à Forum et ils m'ont dit que c'était en import. Donc, le délai de livraison est très, très, très aléatoire. Parce que j'ai pas réussi à le choper. Voilà. Et ben sinon, alors j'aime pas dire ça, mais voilà, vente par correspondance, quoi. Amazon sont forts là-dessus. Internet et Internet. Compagnie, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Oui. Les amis, nous sommes avec Apex Music Club, donc Vincent, Laurent et François. Et je te laisse la parole, David. Oui, moi, vous êtes des musiciens confirmés, vous êtes professionnels, donc du coup, tu l'as rappelé plusieurs fois, Laurent. Et dans ce groupe, vous êtes des musiciens confirmés, mais le groupe, lui, il est jeune. Et je me demandais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour vous faire connaître un peu plus. Et qu'est-ce qui manque au groupe aujourd'hui ? Eh bien, une bonne communication déjà, parce que on est sur les réseaux, mais on n'est pas très très bon, mais voilà, on essaye de faire ça quand même. Et ben, alors le gros problème dans ce groupe, c'est qu'on n'est pas très très très fort pour chercher des dates pour les trouver, et il nous manquerait voilà quelqu'un qui fasse ça pour nous. Ok, l'appel est lancé hein, sur le 89.5. Il y a des gens qui écoutent et qui parfois connaissent des gens qui connaissent quelqu'un qui fait passer des groupes ou qui connaît quelqu'un qui est un tourneur. Et ouais, carrément. Puis, vous êtes là pour ça quoi. On a 36 followers. Ben oui. Il y a du monde. Peut-être qu'il y en a un au milieu que tu sais pas. Alors, Vincent, vous n'avez pas pensé travailler avec Greenpeace Records, par exemple ? Si. Vous leur avez soumis le projet ? Ouais. Ça peut marcher. Ça peut le faire, peut-être. On va enregistrer déjà dans les studios de Greenpeace, donc chez Mathias Chaumet au MC Studio, là, au mois de juillet. Juillet, ouais. Voilà, début juillet. Et puis, non, mais on travaille avec tous nos autres projets, on travaille avec eux, donc ils sont au courant de ce qu'on fait. Et la balle est un peu dans leur camp, mais ça va se faire. Ouais, ça serait pas mal parce qu'ils sont corrects, c'est une belle boîte, quoi. Ah, c'est une super belle boîte, c'est la famille même. Mmh. Ouais, on peut parler d'eux peut-être un petit moment. Oui, on parlait de la cafetera d'Aurora, ouais. Donc qui vous êtes, c'est la même famille quoi. Bah en fait, Greenpeace Records, moi je les ai connus par la maison qui tient chaud. Quand je suis rentré dans la maison qui tient chaud, je rentrais dans Greenpeace Records. Ouais. J'ai tout de suite vu que c'était humain, amical et que les gars ils défendent des groupes en fait vraiment et qui se battent comme ils sont trois associés et t'as une administratrice Fanny qui bosse aussi là-bas. Et dites-moi si je me trompe, c'est tourné vers les Altiligériens un peu. Exactement, ils sont situés à côté de Brioude, un petit village qui s'appelle Paulaguet. Uh-huh. Donc il y a Mathias Chaumet qui lui a monté le label qui a le studio. C'est Simon Kessler qui est tour manager. donc qui est à la tête, on va dire, un peu plus, quoi. Et il y a Julien Bancharel, qui lui est tourneur à fond. Donc ça, c'est trois associés qui bossent ensemble. Et il y a vraiment la défense des projets. Donc obligatoirement, tu as aussi un côté, bah, il faut vivre, hein, parce que c'est une boîte. Hein. Ouais, et c'est, ça devient maintenant une boîte quand même assez importante et qui a pas mal de groupes qui tapent à sa porte. Mais ils ont toujours su rester à la hauteur des musiciens et à vraiment défendre des projets qu'ils aiment, et pas aller faire du mercantile. Voilà, ouais, aller snober les uns ou les autres. Exactement. Et laisser tomber les plus petits groupes, entre guillemets. Ouais, voilà. Donc, c'est pas le style de la maison. Non, c'est pas le style de la maison. Donc après, ils bossent avec des projets. Il y a des fois des aventures qui s'arrêtent avec eux, hein, c'est normal. Mais c'est toujours dans un vraiment un esprit de franche camaraderie. Il y a une relation de travail réelle. Mais en fait, c'est aussi une question de confiance. Avec eux, on est dans une relation de confiance totale et c'est vraiment clair, quoi. Et vraiment une défense des projets qui est très importante. Ça devez... peut être... Pardon, ouais, vous devez commencer à bien vous connaître entre groupes et entre musiciens, j'imagine. Ouais, ça commence. Oui, avec le temps. Ouais, ouais. Dans le label ? Oui, dans le label, oui. Ouais, bah après, on connaît, moi, vous connaissez tous les groupes du label, vous ? Non. Non, pas tous, non, non, mais après, on arrive à se rencontrer une fois par an et tout, tout projet confondu, donc ouais, ouais. Parce que le label organise un grand apéro pour réunir tous les groupes, donc c'est l'occasion de se croiser, de dire, tiens, vous êtes qui ? C'est d'accord. Vous, les tels groupes et tout ça, donc c'est classe. Ouais. Et depuis qu'Apex existe, y a combien, vous avez donné combien de concerts, en fait ? Alors, combien on en a fait ? Vous avez eu l'occasion de vous roder sur scène, vraiment ? On a dû en faire 5, je crois. On a dû en faire 5, ouais. Ouais. Après, il y a eu une grande pause de 1 an où j'étais pas disponible, donc on n'a pas joué. Mais la première année, ouais, avec Julien, on a dû en faire 3-4. On en a fait un avec François, là. Après, c'était long pour... Enfin, c'était long. Non, ça a été assez rapide, en fait, parce que tu es rentré dans le projet en septembre et on a fait notre premier concert en novembre. Ouais, donc, on a bien bossé, puis... Là maintenant c'est bon, c'est reparti, on va démarcher plus pour des concerts et puis l'album qu'on enregistre au mois de juillet va quand même amener normalement plus d'activités, plus de ouais, on reviendra sur l'album tout à l'heure, c'est vrai que vous enregistrez, donc on en parlera tout à l'heure, mais en fait là il vous manque un manager en fait pour vous faire connaître, pour... C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais, ouais. Bah, y a ça, et puis bah, c'est vrai que je pense que... moi, ce que j'aime bien dans cet esprit-là, dans les groupes, c'est que tu redémarres à zéro, en fait. Moi, je sors d'un groupe, La Cafetera Rora, qui fait 40 dates par an, tu vois, t'as un confort, t'as un tourneur, t'as un label. J'ai décidé d'en partir, et je me retrouve un peu à dire, tiens, comme quand j'avais 15 ans, j'ai ma guitare. Ouais, et, ceci dit, vous avez toute l'expérience aussi cumulée de vous trois, cumulée, t'as raison. Qui fait que vous repartez à zéro, mais quand même... Ouais. Mais par contre, dans un projet, de se dire, ben, tu pars, t'es plus accompagné, donc il faut trouver des partenaires. Alors, on a la force de la musique, ça, on sait le faire, c'est bien. Mais après, la force de vente et la force d'arriver à faire connaître le groupe, ben, c'est vrai que c'est peut-être un travail qu'il faut qu'on arrive un petit peu à enclencher. Parce qu'après, plus tu fais des concerts, plus tu commences à te faire connaître, si c'est bien. Et, et puis, ça peut lancer un peu plus la machine, quoi. Et est-ce que le travail de composition est le même que dans Devil Joe ? Oui, ouais, carrément. Ben, comme en fait, j'essaie d'amener on amène des idées, voilà. Et moi, pour ma part, c'est souvent quelque chose de tout fait, voilà. Et chacun vient se mettre dessus, voilà. Ok. Que diriez-vous de jouer un morceau en live ? Oui, carrément. Pour nos auditeurs, donc sur le 89.5, c'est Boogie, donc avec Véro à la régie, David, et puis Apex Music Club, donc Vincent au caron, Laurent à la guitare et à la voix, et François à la guitare et au cœur. Quel morceau vous allez nous jouer, Vincent ? Je sais pas. Ah ! Qu'est-ce qu'on joue ? Pardon ? C'est Body Con Dress. Body Con Dress. Allez les amis, c'est parti, vous vous installez, on vous met les micros comme il faut et on est très très content de vous recevoir ce soir sur Boogie. Donc, et on pense à Muriel, on lui fait une grosse bise, n'est-ce pas ? Un petit bonjour à tous nos éditeurs, bien entendu. Apex Music Club sur le 89.5. Thank you. Apex Music Club en live dans Boogie en direct sur le 89.5 de Radio Dio. Ouais Pascal, merci alors beaucoup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah ça ne peut que marcher avec des morceaux de cette qualité, non? Ah bah si tu le dis. N'est-ce pas David? Ah ouais carrément, moi j'ai dansé comme un fou et ouais ça le fait, surtout que quand on pense que vous êtes à minima avec du matos light on va dire, c'est-à-dire oui. Des bonnes guitares certes mais des petits amplis et un Caron. Oui c'est ça, c'est ça. Ça donne envie de vous voir sur scène avec équipé avec du gros matos quoi. Trop bien, merci. Et en parlant de scène justement, vous avez des dates à venir? Eh ben pour l'instant non. Pour l'instant non, mais ça va arriver. On a quelques pistes là pour l'instant. Oui. On vous les fera passer. Très bien, ouais, je compte sur vous. Et une question d'ordre un peu technique. Est-ce que c'est si différent que ça de jouer sans bassiste pour un batteur, par exemple? Alors moi, je ne peux pas trop t'en parler parce que ma seule expérience de batteur, elle est sans bassiste dans Apex Music Club. Donc là, la réponse est toute trouvée. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être Laurent qui a la réponse parce que toi, Laurent, t'es batteur dans un autre groupe. Oui. Qu'on peut citer, c'est le Brand New Eight. C'est ça. Et on peut saluer Didou. Et on peut Didou saluer Didou. Exam, ouais. Oui, alors j'avais pas mal de gens à saluer, ton Didou. Didou qui sévit sur FM 43, j'ai la chance de l'écouter tous les matins parce que de par ma profession, je suis alti-ligérien moi aussi de temps en temps. Et du coup, Didou ouais, qui serait peut-être chaud pour venir nous rendre une petite visite parce que Didou, il a des choses à dire, notamment dans sa chronique du Sillon Noir tous les jeudis. Et dernièrement, il nous a parlé du premier album des Social Distortion. Ouais. Oui. Et de cet album qu'il adore. Et Didou, ouais, il a des trucs à dire et il veut venir les dire dans Boogie. Voilà. Petite parenthèse fermée. Et toi, Laurent, donc je reviens avec jouer sans bassiste. Il y a quelque chose qui diffère oui. Réellement, quoi. Parce que moi, je ne suis pas musicien, tu vois. Donc, je ne le ressens peut-être pas de la même manière que vous qui jouez, quoi. Oui, il y a quelque chose qui diffère parce que, comme je disais tout à l'heure en tout début d'émission, en fait, un bassiste dans les fréquences basses, il est là pour asseoir un petit peu, voilà, pour apporter un espèce de confort. Et en fait, quand on n'a pas de bassiste, on doit assurer à sa place, en fait. Donc, tout ce qui est rythmique, il faut qu'on soit là pour assurer, voilà. C'est là-dessus. En fait, c'est un confort en moins, le bassiste. Ouais, voilà. Et il y a le côté, si tu veux, où vu qu'on est deux guitares à jouer avec un son un peu bas, mais le son, c'est pas tellement le plus important. Comme dit Laurent, c'est que quand tu es en rythmique, tu as une double responsabilité. C'est quand ça. Tu joues ta guitare, tu as un bassiste. Quand tu as un bassiste, bah, tu joues avec le bassiste, mais il a sa responsabilité. Toi, tu as ta responsabilité de guitariste. Je trouve que dans Apex, là, de jouer à deux guitares, c'est quand tu es en rythmique, bah, je dois jouer encore plus avec la batterie que quand je joue dans un groupe où il y a une basse. Parce que tu dois vraiment asseoir le truc et tu as cette espèce de double rôle qui, au début, moi, m'a fait un peu peur. Je me dis, waouh, mais est-ce que je vais arriver à jouer carré comme ça, tu vois? Et finalement, pris dans le truc. Les échanges avec Lolo de solo, rythmique, de mélodie font que ça matche bien. Vincent à la batterie qui tient bien la baraque fait que bah, ça va, la cise elle est là. Et cette responsabilité finalement, moi j'en ai fait un plaisir en fait. On parlait aussi tout à l'heure de l'enregistrement du futur album ou EP. Vous rentrez en juillet en studio? Oui. C'est ça. Vous avez combien de titres à mettre en boîte? On avait dit 7 ou 8 je crois. 7 ou 8. Voilà. Ok, et l'album sortirait quand? Eh ben pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais là, pour l'instant, c'est... Alors, on ne sait pas si on parle d'album ou de plus de EP, quelque chose comme ça. Mais ça sera dans la foulée. Quoi. Pour l'instant, je pense qu'on va le diffuser sur les plateformes. Et en fonction de comment il est accueilli, bah, peut-être le sortir derrière. Ouais. Avec les morceaux que vous avez sur YouTube, il y a moyen de faire un mini-album, ouais, en effet. Eh ben on va en réenregistrer deux je crois, deux ou trois. Ouais. Et puis voilà, il y en a d'autres qui sont nés depuis et qu'on va mettre en boîte quoi. D'accord. J'ai bien envie de relancer un peu de musique maintenant avec le ouais. choix de Vincent qui va nous parler de Led Zeppelin. Ah oui. Voilà, avec la chanson tour. Bring It On Home. Ouais, Led Zepp 2. Bah là, c'est carrément quand moi j'ai commencé à tomber dans le rock. Je devais avoir 14 ans à peu près. Et ouais, j'écoutais que ça. Et cette chanson-là, j'ai eu la chance de voir Page Plant en 96 à la Altony Garnier. C'était mon premier concert. Et ils sont rentrés avec cette chanson. Mais cette chanson, elle est conçue, elle est coupée en deux. C'est un blues vraiment plutôt tradi au début. Et après, il y a un riff. Moi, j'ai toujours eu du mal à écouter du blues plutôt tradi. Ouais, pur et dur. Ouais, voilà. Je m'embête très rapidement. En fait, je suis vraiment tombé dans la musique avec les riffs. Voilà. Et cette chanson-là, elle commence avec un blues plutôt tradi. Et d'un coup, il casse vraiment le truc, le riff rentre. Voilà. Et je crois bien que cette chanson, Jimmy Page a dû l'accréditer à Willie Dixon, je crois. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Là, je ne suis pas sûr que ce soit de lui qui l'ait crédité. Je pense que c'est les avocats de Willie Dixon qui lui ont rappelé qu'il fallait le faire. Ouais, mais quand même, il avait de sacrées grandes oreilles, Jimmy Page. Hein. Ouais. Dazed and Confused, c'est un morceau. Je ne connais plus le musicien qui l'a joué, quoi. Ouais. Mais c'est un morceau copié-collé sur un autre artiste. Ouais, hein. Ouais, mais bon, Led Zeppelin, c'est Led Zeppelin. Voilà, ouais, on ne leur jette pas la pierre. Mais voilà. Je me souviens de ce concert 1995-96, ouais. Page Plant avec l'orchestre de musiciens marocains. Exactement. L'orchestre à cordes et ouais. Puis des relectures tout à fait intelligentes et fines des grands standards de Led Zepp. Ouais. Donc retour sur Led Zepp 2, Bring It On Home, donc choix de Vincent. Nous sommes avec Apex Music Club et on est très très content que vous soyez avec nous. Thank you. magic, God alone. John up, gone higher, all aboard. I'ma take my seat right way back. Watch out, memory. Led Zepp 2. Donc, quand on était gamin, qu'on était fan de heavy metal, on écoutait Led Zepp, on trouvait de la musique de vieux, quoi. en avançant dans l'âge, on se dit, mais qui c'est ce W. Dixon, tu vois? Et tu vas chercher, et c'est comme ça que tu arrives au blues, c'est la magie de la musique et puis de tout ce qu'on peut ressentir au fil des ans, quoi. Led Zepp, ça n'a pas vieilli. C'est ça. Ouais, mais oui, mais oui, ouais. Je sais pas. Laurent, tu disais que tu lisais un livre dont j'avais parlé à la radio il y a ça des années, c'est Kabbalah. Oui. Pas comme Tellement. Si tu veux dire deux, trois mots, c'est le moment. Oui, oui, ben justement, ça parle de Led Zepp, mais ça parle. C'est pas une biographie de Led Zepp. C'est une étude. C'est un essai, en fait. Hein. Ouais, philosophique. Ça, un essai philosophique. Presque philosophique, ouais, sur tout le côté occulte, mystique de la manière de fonctionner de Led Zepp et de la manière d'écrire. Voilà. Donc, ça part très très loin, ça part dans des extraits de la Bible, ça parle de plein de religions, ça parle de un peu de satanisme, de magie, voilà, d'Aleister Crowley, tout ça. Autant avec Ozzy Osbourne, le diable, ça faisait rire. Oui. Autant avec Jimmy Page, ça déconnait pas, quoi. Ouais, c'est avec ça. Les livres occultes, le manoir d'Aleister Crowley, ouais. Et tout le reste. Bon, revenons à Apex Music Club. J'ai un pote qui nous écoute, là, Farid, je le salue, fan de Hendrix. Et il m'a demandé, on aimerait bien savoir sur quel matos vous jouez. Qu'est-ce que vous privilégiez comme guitare, comme Bah, je te laisse. Eh ben, la logique de quand je suis arrivé dans Apex, moi, ça a été d'avoir un son assez fat qui descende bien. Donc, j'ai pris assez naturellement ma guitare ES335, qui est une guitare qui a pas mal de bas. Et l'ancien guitariste Julien jouait déjà dans un ampli basse, lui. Et moi, j'ai fait un mix avec une tête d'ampli orange, une petite tête d'ampli, qui rentre dans un cabinet basse, un 15 pouces. Et Lolo et Vincent, dans leur local, ils ont ça, là, un cabinet qui descend bien. Le HP, il est vraiment intéressant. Donc du coup, voilà, c'est le mélange d'une tête ampli guitare qui sature un peu et qui rentre dans ce cab basse qui fait que le son descend un petit peu plus. Ça veut dire qu'au niveau de la sonorité, c'est toi qui es la basse, plus ou moins, dans le groupe. Alors, si on peut dire basse. Si on peut dire basse, oui. Je garde le côté brillant de la guitare. Donc quand je pars en solo, on sent vraiment que c'est une guitare. Mais, et dans les riffs, ça reste quand même l'esprit guitare, mais c'est une guitare qui fréquentiellement va descendre un petit peu plus. Voilà. Elle est un peu moins perchée et on va dire qu'elle s'accroche à la batterie. Et il faut qu'il y ait une batterie qui ne descende pas trop dans le bas avec la grosse caisse, tu vois, il faut faire un son moins fat. Mais voilà, c'est ce mélange-là de tête d'ampli, guitare, d'une guitare qui rentre dans un cap basse. Et toi, Laurent ? Alors moi, pour ma part, je joue dans un ampli guitare, mais qui a un haut-parleur de 15 pouces aussi. C'est, comme disait François, c'est important en fait pour retranscrire les fréquences basses. Voilà. Donc c'est un Fender Excelsior. Et toi, tu joues sur Epiphone, hein, la guitare. Et je joue sur une Epiphone Wilshire. Alors pour les fans du MC5 qui ont vu la vidéo de l'enregistrement au Beat Club qu'on peut voir sur YouTube, c'est le même modèle. Alors moi, c'est une réédition, hein, des années 2000. C'est le même modèle que Wayne Kramer joue sur ce concert-là. Et pour accentuer les fréquences basses, j'utilise un equalizer, voilà, tout simplement. Et j'essaye un peu comme François de garder le côté un peu brillant de la guitare. Et voilà, on essaie de faire en sorte que nos deux guitares, dans ces fréquences-là, se complètent. Voilà. Et toi, Vincent, depuis que tu as la batterie, tu as des batteurs référence dans le milieu de la musique, par exemple John Bonham de Led Zepp. Ouais, j'en ai deux. Il y a Bonham de Led Zepp. Et puis Taylor Hawkins et puis Dave Grohl, tout ce qui est Foo Fighters, Nirvana, c'est vraiment des batteurs que j'aime bien. Ouais. D'accord, même si on n'est pas dans le même style. On n'est pas du tout dans le même style. On est dans le même niveau aussi de batterie. Et donc il y a le studio au mois de juillet, ça sera uniquement des compos originales. Hein. Oui, ouais. C'est ça. C'est okay. Ça. Et sur scène, c'est un joyeux mélange de compos originales et de reprises. Et de quelques reprises maintenant, ouais. Alors on a aussi un projet, on ne l'a pas encore mis à l'œuvre, on a aussi un projet de faire un clip sur une de nos reprises. Voilà, quelque chose qui fait partie des choses qu'on va mettre en place prochainement. Voilà. Ouais, c'est un projet très très avancé en fait. Vous avez énormément d'idées, quoi. Oui, après il faut pouvoir les mettre en place. Voilà. Bah, y a plein d'envies en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis comme un gamin en fait à dire bah vas-y, on peut essayer des trucs. Quand ils proposent de faire un clip sur telle reprise, je fais ouais, trop bien, parce que du coup. C'est un peu comme quand tu reprends ta virginité, quand tu rentres dans un groupe. Il y a un côté un peu nouveau. Il y a du boulot quand même. Il y a un peu de boulot. Mais il y a un côté, ça repart sur une page blanche, tu vois. Alors le groupe, il a déjà un historique. Mais moi, quand je rentre dans un groupe, c'est chouette. Chouette, je prends l'historique en place, mais on prend la page suivante. Il faut l'écrire ensemble. Donc le côté clip, disque, EP ou album, tout ça, ça met de la dynamique dans la tête et tu projettes en fait. Donc tu travailles ton son, tu travailles avec le groupe et tu te mets dans une démarche de développement. Donc, et vous répétez combien de fois par semaine vous retrouvez? C'est régulier quand même, malgré le travail de Devil Joe et... Oui, alors là, dernièrement, on a mis un peu les bouchées doubles, donc on se voyait deux fois par semaine, mais on a au moins une bonne demi-journée par semaine pour travailler. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu qu'on n'est que trois, ça va très très vite, en fait. Voilà. Ouais. Il y a moins d'éléments qui font que ça peut freiner les choses. Voilà, la communication se fait très vite, en fait. Ouais, j'imagine que très rapidement... Vous arrivez avec une idée, quelques accords et ça peut vite prendre forme, quoi. Oui, ça peut aller très vite, ouais. Bah là, par exemple, le dernier morceau qu'on a travaillé, c'est François qui avait emmené une idée, voilà, de structure, tout ça. Moi, je l'ai écouté, je me suis dit, il y a ci et ça à faire. j'ai proposé mes trucs, on a essayé de faire tout ça à trois, et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Ouais, on sent vraiment une complicité tous les trois. Hein. Oui, bon, de fait avec Vincent, puisque tu es avec Double Joe, vous êtes un vieux clou. Ouais, c'est ça. Et puis avec François, donc il y a vraiment une complicité et puis l'envie d'avancer. Mmh. On sent vraiment là, quand on vous écoute. Et justement, on va vous écouter si vous le voulez bien. Ouais. C'est speed avec moi, t'as vu hein, ouais. Ça c'est classe. Ça, est-ce que vous voudriez nous jouer le troisième morceau, s'il vous plaît? Oui, bah pourquoi pas, ouais. Alors, c'est lequel, Laurent? On va jouer Everlasting Blues. Et après, on parlera un peu des thématiques abordées okay. dans les chansons et tout ça. Everlasting Blues par Apex Music Club dans les studios du 89.5. On est bien, David, n'est-ce pas? Ah oui, Pascal, oui. Premier groupe live de l'année et pas le moindre. Voilà. Ouais, on se fait plaisir. On va pas leur tirer les pompes trop longtemps, mais là quand même, on est quand même impressionné. Allez les gars, en c'est direct à vous. Sur le 89.5, c'est Boogie. Thank you. messieurs, merci. Revenez vous installer autour de nous. Le titre, Everlasting Blues. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, il y a un petit côté Jimmy Reed, là. Oui, un petit peu, ouais, ouais. C'est un petit peu dans la tradition, alors qui a été inspirée par Jimmy Reed, de toutes ces ballades de blues anglaises, en fait. Hein. Je parle des groupes comme Fleetwood Mac, tout ça, quoi. C'est vrai qu'il y a une différence avec les deux premiers morceaux. Là, on est vraiment dans un concept beaucoup plus blues, Chicago. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vous voyez ce que je veux, ouais, dire? Et oui, Laurent, pardon. Non, c'était juste pour acquiescer. Voilà, je te vois chanter. Ça n'a pas toujours été ton truc, le chant. Non. Et c'est vrai que... finalement, ça va maintenant, tu t'y es mis. Oui, bah en fait, disons que avant, je prenais beaucoup plaisir à rester à ma place de choriste, en fait. Et de temps en temps, j'aimais prendre la voix, quoi. Mais oui, dans ce groupe-là, je me sens plus à l'aise comme chanteur aussi. Ouais. Et du coup, ça m'amène une question, moi. C'est, oui, pardon, c'est pour David. Vincent, parce que Vincent, du coup, dans cette formation, tu serais pas tenté de chanter parce que toi, tu fais les chœurs aussi parfois avec Devil Joe. Ah, très rarement, en fait. Ouais, okay. Ouais. Très rarement dans Devil Joe, on a essayé de le faire, et puis en live, c'était pas non plus indispensable, donc on a arrêté. Non, j'ai vraiment pas l'âme d'un chanteur. Ouais. J'ai toujours été entouré de très très bonnes chanteuses et chanteurs. Donc, j'ai jamais pris le pli. Ok. Est-ce que avec Apex, vous laissez libre cours en live à l'improvisation, à des jams, par exemple? Alors, des jams, c'est pas encore arrivé, mais par contre, dans les solos qu'on fait, il y a toujours une petite part, une espèce de, comment dire, une espèce de ligne à suivre, en fait, voilà, arriver, de partir de tel endroit, arriver à un autre, mais on se laisse beaucoup beaucoup de liberté dans ce qu'on veut dire, voilà. Là, par exemple, dans cette chanson là il y a que la fin que au niveau de mon solo que j'ai écrit, tout le reste c'est improvisé, en fait. Ouais. D'accord. Et on va revenir sur la thématique des chansons. Que choisissez-vous, par exemple, Everlasting Blues, puisqu'on voulait reparler de ça? Oui, ouais. Eh ben, disons que nos chansons parlent surtout des rapports humains, voilà. Parlent surtout des rapports entre les hommes et les femmes, voilà, dans les couples, tout ça. Un petit peu comme John Lee Hooker faisait, alors avec tout toute la place que je dois occuper par rapport à lui. John Lee Hooker était capable d'écrire une chanson sur un rouge à lèvres que sa copine de l'époque mettait, et que voilà, ça l'inspirait beaucoup. Et ben, la chanson qu'on a jouée tout à l'heure, Body Condress, elle est un peu dans cet esprit-là, en fait. Elle parle d'une robe, voilà, une robe moulante grise qui fait beaucoup d'effet quand elle est portée, voilà. La chanson qu'on vient d'écrire, elle parle des rapports entre un homme et une femme, voilà, dans un couple, et elle parle des hauts et des bas, voilà. Elle parle surtout d'aimer malgré tout et d'aimer jusqu'au bout, voilà. Très bien, c'est beau ça, dis donc. C'est beau, il parle bien ce garçon. Bah, on dédicace à vos compagnes. Évidemment. Ouais. Évidemment. Je voulais revenir sur l'Apex, tu vois, Apex Music Club, Laurent, François ou Vincent. C'est bien le club où Johnny Hooker arrivait toujours en retard à Détroit. Oui. Et où le propriétaire le montrait du doigt en faisant le signe d'un flingue et qui lui disait: t'es encore en retard, John Lee, boum boum. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Bah, d'où l'inspiration de la chanson, boum boum. Ouais, ouais. Je connaissais pas l'histoire. Pareil. Merci. Et c'était un club qui se trouvait à Détroit, donc dans le Michigan. Dans les groupes garage, il y avait notamment les Soledad Brothers. Tu te souviens? Oui. Nous les avions vus chez. Je sais pas si tu connais, Vincent, ou les Soledad Brothers. Bah, en fait, je connais par là. On fait une reprise du groupe, c'est ça? Hein, oui. Break and Down. Et du coup, j'ai appris à connaître par là, parce qu'en fait, moi, le blues, j'y suis arrivé en par rapport à ce que j'écoutais, en me disant, mais tiens, si ça vient de là, je vais aller écouter ce que c'est. Donc, quand Lolo et Vincent m'ont dit, on a une reprise de ce groupe-là, je suis allé écouter un peu tout le projet, et c'est vraiment classe. Et oui, ça fait partie. Les Soledad Brothers, ça fait partie d'une des influences majeures, en fait. Est-ce que dans le futur, vous avez pensé à pourquoi pas à rajouter un cuivre ou ça se fait bien dans les groupes garage, ce genre de truc, tu vois. C'est vrai que c'est un peu dans la tradition. Alors, les cuivres, je sais que Vincent est un peu hermétique à ça. il est pas très sax, Vincent. Ah, non, c'est les saxophones. C'est les saxophones. Ouais. Ah, c'est vrai que moi aussi, j'ai un problème avec les saxophones. Je sais pas si ça vient de Jean-Jacques Goldman, toi, les trucs comme ça. C'est vrai que... qui me les ont un petit peu... Ouais, alors que si je prends le live de Gainsbourg au Casino de Paris avec le sax monstrueux, ah, là, oui. J'adore le sax, tu vois. Mais peut-être qu'il a été un petit peu perverti par certaines musiques variétées, qui fait que moi j'en ai un petit peu du mal. Par contre, une section cuivre, ça va. Ouais, voilà. Trompette, trombone, et pourquoi en section avec le sax ça marche, mais interdit un solo de sax. Moi j'aime beaucoup le sax baryton en fait. Le baryton qui est très très gras, très très grave. Et ça pourrait, je trouve que ça marche. Ça pourrait arriver donc dans Apex dans le futur, ouais. Vous y avez pensé? Eh ben, on n'y a pas pensé forcément, mais c'est une éventualité. Non, mais tu soumets une idée intéressante. Mais pourquoi pas, ouais. Je ne sais pas. Ouais, ça peut être une intervention sur un morceau. Hein. Ouais. Par exemple, ouais. Après... Ben, on parlait des Soledad Brothers tout à l'heure. Je ne sais plus combien. Oliver Henry, je crois, l'autre guitariste, de temps en temps, il utilise un sax pour faire la rythmique, en fait. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. Ouais. Et en ce qui concerne des chansons, ça a été une évidence pour vous. Vous ne chantez pas en français. Eh ben oui, ouais. Moi, instinctivement, je n'aime pas chanter en français. Alors, je le fais dans les Mirabel Kitchen, mais c'est parce qu'on veut faire marrer les gens, voilà. Je sais pas, je n'arrive pas à chanter une chanson en française très sérieuse. Moi, je pense que le style de musique que vous employez est pas propice à la langue française. Moi, j'en ai connu qu'un, c'est Bilderem qui faisait sonner. Ouais, on peut y ajouter Paul Persson. Une fois qu'on a cité ces deux noms, je crois que le blues français, on a fait le tour. Ouais. Oula, Patrick Verbeek. Ah oui, Verbeek. Ah oui, pas fou. Pardon. Qui savait faire swinguer la langue française. Michel Jonas aussi. Enfin bref, on s'écarte. Donc Nicole Croisi aussi. Et puis il y avait Nicoletta qui était pas mal. Ah ouais, avec Lavilliers et tout. Bon. Là, on va arriver au choix de François. Donc, un musicien qui l'aime beaucoup, c'est Robin Ford. Eh bien, écoute, ouais. Moi, comme on disait, quand je venais du rock, et puis petit à petit, j'ai joué avec des gens qui écoutaient du blues. Donc, j'ai voulu comprendre un petit peu d'où ça venait, tout ça. Et je suis tombé sur Robin Ford. L'album en particulier, la première chanson de cet album là, que j'ai amené là, m'a subjugué parce que j'adore le son. Je trouve que Robin Ford, il y a eu des années, dans les années 80, le son des disques, j'ai un peu tout écouté. C'était un peu typé, ça sonnait dans les années de l'époque. Et t'as certains blues dans les années 80, des groupes de blues ou des chanteurs blues qui arrivaient avec le son de l'époque. Et je trouve que du coup, c'est pas authentique. Et là, quand il a fait ce disque, j'ai mangé l'année à laquelle il est sorti. Tu l'as peut-être, David, sous les yeux, Robin Ford. Mais je trouve que du coup, cet album, il est, au niveau du son, il a pas pris une ride, en fait. Et il reste intemporel et il est pas passé de mode. Et j'adore le jeu de Robin Ford qui a un côté... extravagant, qui flirte avec le jazz, en tout cas, qui ouvre harmoniquement. Ouais. Moi, je suis un peu comme Vincent, un blues un peu traditionnel. J'ai un petit peu du mal, au bout d'un moment, j'ai besoin qu'on me mette un peu des paillettes et qu'on me mette un peu des surprises. Et Robin Ford, je trouve que pour ça, c'est magique. Ouais, puis il a travaillé quelques temps avec Miles Davis, et puis avec toute sa famille. Donc au début, c'est vrai que c'est un guitariste qui est très influencé par le jazz. Ouais. On le sent. Ouais. Et comme disait Vincent tout à l'heure, c'est pas du blues pur et dur que tu n'aimes pas. Donc je comprends que ça puisse vous plaire. On va écouter un morceau. David, tu as l'album sous les yeux, tu peux le citer. Il date de 94, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est 1994. Ça, et le morceau, c'est Rage Road. C'est ça. Allez, on envoie 89.5 Radio Duo Boogie. Heavy load. I was stumbling blind. Voilà, François, donc Robin Ford, guitariste exceptionnel, même si le son est un peu daté, on le disait en antenne. Bah, il est daté, enfin, il est identifié en tout cas. On sent que c'est sorti dans les années 90. Ouais. Il y a vraiment cette sonorité très 90, je trouve. Ok. Ouais. Une question à la con. Quand je dis Apex Music Club, quand tu as créé ça, quand Vincent t'a rejoint, quel groupe vous vient tout de suite à l'idée tu vois ce que je veux dire, un parallèle, ouais. Ouais. Un groupe, l'influence principale, ouais. Ah, j'ai envie de dire peut-être les Soledad Brothers, parce que ça a été vraiment une claque, ce groupe-là. En fait, après ce groupe-là, je me suis intéressé encore plus à tous ces groupes qui étaient dans cette tradition-là. Mais ouais, et en fait, il y a un groupe aussi dont on parle peu de leur début et qui sont... Alors, c'est autre chose, c'est plus du côté du Mississippi, mais c'est les Black Keys. Les Black Keys, un groupe qui a commencé avec, qui a fait 3-4 albums vraiment blues, quoi. Ouais, style qui... du Hill Country Blues du Mississippi, voilà, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Et c'était même encore plus minimaliste, quoi. C'était une guitare, une batterie, et c'était vraiment énergique, quoi. Et tu parles des premiers albums, là. Des premiers albums, récemment, ouais. Ils ont pris un virage que tout le monde apprécie pas, quoi. Ouais. Ah bah depuis l'album qu'ils ont fait produire par Danger Mouse, il y a eu un gros changement de direction artistique. Ouais, tu te souviens qu'on avait présenté le premier album des Black Keys sur Radio Dio, personne ne le connaissait. C'est vrai. Voilà, ouais. Donc grâce au père Bob, quoi. Mes pensées vont vers lui. Toi, Vincent, quand tu penses Apex Music Club, un groupe Les White Stripes. White Stripes, ouais. Et ce que fait Jack White en solo, ça te plaît ou pas? Ah ouais, je suis fan, ouais, absolu. Ouais, même les albums avec plus de claviers ou ce genre de choses? Ouais. D'accord. Et je trouve que chaque album qu'il a sorti, il y a vraiment une direction différente, une couleur. Et puis j'aime bien tous ses autres projets, que ce soit les Raconteurs j'ai mangé le nom. Dead Weathers. Dead Weathers. Ouais, non, j'adore ce gars. Bah, ce gars, il a révolutionné le rock, je trouve. Il change, en fait, c'est critiquable si on est vraiment un traditionnaliste, mais il a créé des sons de guitare, ce gars. Ouais. Des sons de fuzz qui n'existaient pas, en fait, avec des mélanges de sons de synthé. C'est un créatif monstrueux, ce gars. Et j'aime bien, c'est que c'est très chanson. C'est vraiment des formats, des fois, chanson. Avec beaucoup, il expérimente même dans la chanson. J'aime ça. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous, mais au risque de mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous ne trouvez pas que pour un groupe garage, c'est un son un petit peu propre maintenant, oui. Oui, maintenant, mais les White Stripes, c'était plus garage. Maintenant, ce qu'il a fait sur les autres projets, c'est plus garage. Il a évolué, tout simplement. Ouais, mais après, les premiers White Stripes, c'était. Quand l'album Elephant a explosé en Europe, il avait vraiment une espèce de statut de héros du rock. Il avait ramené le rock'n'roll au devant de la scène. Ouais. Faut pas oublier que c'était dans les années 99-2000 et que le rock'n'roll se portait très très mal à l'époque. C'est ça. Ouais. Et François, toi, donc Apex Music Club, un groupe. John Spencer Blues Explosion. Eh oui, voilà. Ouais. Ça, pour moi, c'est une référence. Autant dans le son du groupe un peu fat, tu vois, avec cette espèce de guitare qui rentre dans un ampli basse. C'est vrai. Mais dans l'énergie et le scandage, parce que Lolo, c'est un putain de chanteur, et autant que guitariste. Et un showman. Et c'est un showman. Et je trouve que dans Apex, il se révèle dans tout ce qu'il est, en fait. Et je ressens ce côté John Spencer, où je les ai vus à Lyon, moi, au Ninkasi. Le batteur, il a attaqué, il était fatigué. Et il y a un moment, il a dit, c'est pas possible, en fait. Le gars était cuit comme une rave. Et il y a un moment, il a dit, je joue vraiment. Et il a fallu deux titres pour que le groupe démarre ce concert. Et après, ça a été une fusée, quoi, phénoménale. Avec ce gratteux Telecaster un peu débonnaire, ses pédales posées sur son ampli. Mais une énergie de malade. Et moi, j'adore ce groupe. Et voilà, c'est le groupe qui est pour ma référence. Est-ce que vous souvenez du premier passage à Nulle Part Ailleurs? Dans les années 90. Wow. John Spencer, je crois que j'ai jamais vu. Ils étaient montés sur la table, ils avaient tout cassé. On le trouve sur YouTube, c'est un bonheur de garage rock. C'était un peu des furieux au début. Et justement, un truc, on a parlé de fuzz là, il y a 2-3 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a de la fuzz? Parce que c'est synonyme de garage, la fuzz. Bien sûr. Que vous jouez de la fuzz Ah oui, François, oui. François, il en a 2 ou 3 sur son pédale. J'en ai 4. Tu vois, 4. Et là, j'en ai acheté une, elle arrive demain. En fait, je suis tombé dedans. Lolo, lui, c'est Obélix. Il est tombé dedans. Et après, moi, il m'a fait goûter. Il m'a formé à la fuzz parce que j'y connaissais rien. Je savais pas faire. Et maintenant, j'ai trouvé que Apex, ils avaient avec Julien deux sons, on va dire, un peu tradis. Et je me suis dit, on peut colorer, en fait. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que le garage, c'est fuzz. Ça se rejoint. Donc moi, du coup, j'ai fait, il me faut une collection. Et selon les titres, au lieu de travailler sur des équalisations pour dire ici, je peux peut-être enlever un peu de grave pour alléger, en fait, mes équalisations, je travaille dans ce sens-là, de dire, je vais mettre une fuzz un peu grave et particulière à tel endroit, et une autre plus légère à un autre. Donc je travaille un petit peu, je malaxe ce son Apex de mon côté avec le son des fuzz. La fuzz, c'est une pédale d'effet, on peut donner l'origine en fait. Oui, oui, c'est une pédale qui a été inventée suite à une erreur dans un studio. Tout s'explique. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça que ça arrive. C'est ça, ouais. Alors il y a plusieurs écoles comme ça. Il y en a qui vont dire que ça vient de l'enregistrement de Ike Turner. Qui se sont fait arrêter par les flics, l'ampli est tombé du toit. C'est ça. Ça a cassé le haut-parleur et ça a donné ce son un peu comme ça. Et ils ont joué comme ça, donc il y a plusieurs anecdotes, quoi. Ouais, il y en a une que j'aime bien aussi, c'est Marty Robbins, le chanteur de country, qui a enregistré un disque et il y avait une espèce de partie de basse où elle était un peu en avant. Et la tranche de la console était complètement cramée. Ça a donné un son tout pourri. Et ils l'ont gardé, voilà, parce que déjà ils n'avaient pas le choix, parce que le studio il se payait à l'heure. Et ça donnait un côté un peu original. Et suite à cette chanson là, il y a une marque qui s'appelle, c'est Gibson, je crois, Maestro Fuzz. Les mecs ont sorti la première fuzz, la Maestro Fuzz. C'est celle qu'on entend sur Satisfaction des Rolling Stones. C'est ça. Si vous voulez, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez un exemple de fuzz, vous écoutez Satisfaction. C'est ça. Et pour notre satisfaction à nous, est-ce que vous pouvez jouer un quatrième morceau, s'il vous plaît ? Allez, ça marche. Allez, Apex Music Club. Donc François à la guitare au cœur, Laurent à la guitare et au chant, et Vincent au caron, au checkers et puis au... C'est un tambourin. C'est un tambourin. Voilà, au tambourin. Thank you. Apex Music Club en direct sur le 89.5 de Dio, c'est Boogie. Ouais, Pascal. Merci, merci, merci. On espère que le son sera à la hauteur sur le podcast. Ouais, normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison. Pas de 22h44, ça passe très très vite, les enfants. Ça va bientôt se terminer. On est très heureux de vous avoir reçus. Donc, le programme à venir pour Apex Music Club, c'est des répétitions. Oui, oui, oui. Vous avez quelques laves de Calais, là? Pour l'instant, non. Alors, on a quelques pistes, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se confirme. Et l'enregistrement de l'EP album qui va se faire au mois de juillet et certainement aussi un clip d'une reprise qu'on fait. Voilà. Et du coup, si j'ai bien compris, ce clip sera pas sur cette reprise sera pas sur l'album. Non, non, non. En fait, on va s'en servir pour diffuser un peu sur les réseaux, okay. Pour faire une espèce de petite promo réseaux sociaux, tout ça. Ce sera quelque chose qui sera à part l'album. On voilà. Peut avoir la primeur de cette reprise ou c'est encore un truc un peu secret? Non, c'est pas secret du tout. C'est un tube qui est sorti il y a quelques années en arrière de Billie Eilish qui s'appelle Bad Guy. Voilà, okay. On a fait notre version à nous. Et on espère pouvoir faire ce clip assez rapidement. Et voilà. Apex Music Club, c'est la diversité parce qu'on parle de Billie Eilish maintenant, tout à l'heure de Jimmy Reed, de John Spencer Blues Explosion, ça part vraiment dans tous les sens. Ouais. Oui. Avec toujours cette unité, quoi. Hein. C'est ça. En fait, on pense qu'il y a. Le blues, c'est un état d'esprit et il peut être dans plein de styles de musique, en fait. Quand on va le chercher, on peut le trouver assez facilement, assez partout. Voilà. Qu'est-ce qui est différent avec. Avec Devil Joe, Vincent, Laurent, donc quand vous êtes avec Apex, qu'est-ce qui diffère principalement? Déjà la voix, je crois. Parce que ouais, la voix, ouais, ouais. Anaïs, bien sûr, quand même, bien sûr. Anaïs a quelque chose quand même d'exceptionnel. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense peut-être au côté un peu plus roots. Ouais, voilà. Roots, et puis c'est beaucoup plus direct. Déjà on est trois, donc on doit aller à l'essentiel. On doit faire des morceaux quand même. Plus efficace, il y a moins besoin de travailler l'arrangement. Déjà, dans Devil Joe, avec la basse, la batterie et les deux guitares, on a moins de liberté. Il faut qu'on reste chacun un petit peu à sa place et puis il faut qu'on laisse beaucoup de place à la voix d'Anna. Là, dans Apex, on est obligé d'assumer à 300%. Comme disait François tout à l'heure, quand il passe en rythmique, il doit faire la basse et la guitare. Donc, il y a un état d'esprit qui est différent. On peut moins se reposer sur les autres dans Apex, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Il faut aller au charbon et c'est ce qui donne un peu ce côté un petit peu plus dynamique et direct. Et puis, il y a aussi le fait que... Apex, le groupe est nouveau, donc il y a une espèce de fraîcheur, Devil Joe, il y a des codes et un fonctionnement depuis maintenant 15 ans. Donc, c'est différent là-dessus. Il y a le côté power trio, en fait. Oui. Même si tu n'as pas de basse. Moi, j'ai joué dans un power trio, les Jupes Fendues à l'époque. Et la magie du power trio, quand il marche, il est énorme. Donc, il y a une grande différence qui se passe là, surtout, qui fait qu'on est un power trio avec Apex. Et moi, j'adore cette sensation-là. Et ça donne ce côté un petit peu particulier où, en effet, comme dit Vincent, un groupe comme Devil Joe ou d'autres où il y a plus de monde, c'est différent, tout simplement. Et puis, ouais, certains codes, comme tu disais, quoi. Il y a plus de liberté, peut-être, avec Apex. C'est ça, ouais, ouais. Voilà. Mais en fait, il parlait d'arrangement tout à l'heure, Vincent. En fait, il y a même un peu plus d'instruments dans Devil Joe, même sur scène. Voilà. Sur un disque, on arrive à amener pas mal de percussions, des orgues, des trucs comme ça. Et là, sur scène, on est deux guitares, une basse, une batterie, un chant et maintenant un clavier de temps en temps. Voilà. Ça fait déjà pas mal de choses en fait, à gérer. Voilà. David ? Ouais, non, juste on va peut-être passer le choix de François. Il va peut-être nous parler de l'album. Je pense que c'est le choix des deux Lascars. Là. Ouais. De Vincent et en fait, avec Vincent, François. On s'entend bien sur le fait que Steve Vai est un guitariste phénoménal. Bon, la fin de carrière, là, moi, me plaît moins. Mais son premier album solo, qui s'appelle Flexible, après avoir longtemps joué avec Frank Zappa, est pour moi exceptionnel, autant dans le son que dans son écriture. Et il y a une chanson en particulier qui me met le smile, en fait, qui me met un smile de ouf. Parce que et c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de solo de guitare, il y a pas, voilà, c'est vraiment très différent, vous allez l'entendre. Et ça montre toute la capacité de ces artistes à ne pas rester fermés dans leur jeu de gratte et dans leur truc, et d'arriver à ouvrir et à faire des chansons toutes bêtes, mais qui pour moi sont magiques. Est-ce que vous ne pensez pas que, je reviens avec à la discussion que j'avais eue avec un pote, que Steve Vai, Satriani, c'est de la démonstration avant d'être du feeling? Non. Je alors, sais que vous êtes fan, mais bon, la question qui fâche, quoi. On a tous lu ça dans les magazines de rock. Non, mais est-ce que c'est de la branlette guitaristique, pour parler vulgairement? Certains. Ou pas, voilà. Non, parce que Steve Vai, c'est pour moi, je le vois pas comme un guitariste. C'est vraiment un musicien, en fait. C'est très très orchestral ce qu'il fait. Alors certes, il y a une démonstration guitaristique, parce qu'en plus, il a un jeu qui est vraiment phénoménal. Même moi, je trouve, on peut pas le comparer à des Satriani ou tous les autres. Il est largement au-dessus de tout. Mais ce que moi, j'entends dans Steve Vai, c'est vraiment le chef d'orchestre, en fait. Voilà. Et un album à conseiller, les amis? Celui-là, Flexible. C'est qui est le plus particulier, peut-être, qui est le moins mélodique, mielleux, comme il a pu le faire avec For the Love of God ou des trucs comme ça, qui sont très bien, hein, mais voilà. Mais pour revenir, si on prend Zappa, quand il faisait des solos, Zappa, est-ce que c'était de la branlette guitaristique? Et Hendrix. Et voilà. Ah non, non, mais là, je. Donc après. Même pas dans le même cas, Hendrix. Non, non. Mais après, si tu veux, la question qu'on arrive au fil. C'est des gens qui arrivent au bout d'un moment, ça fait 10, 15 ans, qu'en effet, ils arrivent à un côté démonstratif. Ils ont du coup mis au monde d'autres guitaristes qui sont arrivés et qui sont super rapides. Donc ils sont rentrés dans ce jeu-là du son et tout ça, qui moi me plaît moins. Mais Vincent a raison, Steve Vai avant d'être un guitariste, et Satriani aussi, hein, mais c'est des gens qui sont des musiciens. Après, vous avez raison, ils sont rentrés dans un truc qui moi... T'as ouvert une boîte de Pandore là. Ouais. Il s'arrête la guitare. Non mais voilà, c'est ce que disaient certains. Et où commence la virtuosité? C'est ça. C'est ce que disent certains fans d'Hendrix, tout ça. Moi, je sais que j'adore Steve Vai. Je me souviens que Satriani avait été le prof de guitare de Kerkhamet, la guitare Guitar Institute de San Francisco, je crois, hein, Berkeley, je ne sais plus. Enfin bref, on est avec Apex Music Club. C'est le choix des deux Lascars là. Donc Steve Vai, extrait de l'album que je ne connais pas. Flexible. Thank you. qu'est-ce qui se passe, ah ben bordel ? Il n'y aurait pas eu un problème technique dans Boogie que ce ne serait pas Boogie. C'est vrai. Véro et David en régie aujourd'hui, on est très contents d'avoir passé ce moment avec vous, les amis. Très contents. Super, merci. Pareil, mais pareil. On vous souhaite le meilleur possible, donc un enregistrement au mois de juillet, ouais. Un album qui sortira peut-être 2-3 mois après. On manquera pas de diffuser. Ouais, vous allez... Pardon, David. On manquera pas de diffuser leurs morceaux régulièrement. Bien sûr, puis vous reviendrez pour nous en parler si vous voulez. Ah ben oui, avec plaisir. Ouais. Vous pensez sortir un vinyle ? Eh ben, on va voir. Le problème, c'est que ça coûte très cher de presser des vinyles maintenant. Mais ouais, ce serait trop bien. Donc ça dépend du nombre de concerts qu'on va réussir à faire pour financer ça. Ouais. Ce serait pas mal, ouais, parce que quand on veut avoir des vinyles collector, je connais des personnes qui ont les premiers vinyles des Devil Joe, par exemple, ouais. Signés par le groupe, par exemple, et qui devraient prendre de la valeur d'après le guitariste du groupe. Ah, d'accord. Donc, Devil Joe, on peut en parler. J'ai vu qu'il y avait des dates qui s'affichent là pour l'été. Ouais. L'année 2026, c'est pas mal, quoi. Oui, il y en a quelques-unes qui sont tombées. Et là, pour l'instant, la plus proche, ce sera le 20 février. Ouais, voilà. Et qui sera ici. Donc, ça faisait partie des annonces. Hein. Je vous ai parlé de Didou. Je n'ai pas parlé des Bottlenecks qui passeraient le 31 janvier. Au marché Garde Lyon, j'ai pas parlé des Blues Deep Down, nos amis qui vont jouer le 28 février au Michelet, puis JB, voilà, le Michelet qui réouvre, hein, qui était un bar. C'est place Jules Guedin. Hein. Et j'avais bien noté que les David Joe et la tournée 2026 commençaient à Arroyat dans le 63, tu confirmes, vous confirmez. C'est ça, oui. Le 31, et qui se terminera au mois d'août au Sable d'Olonne. Alors ça, c'est incroyable. Et qui va passer le 20 février à la brasserie Orbital, place Chavanel. C'est ça. Mais je trouve que vous avez une dynamique qui s'est créée depuis l'arrivée d'Anna. Oui. Les concerts s'enchaînent là. Je trouve ça vraiment, vraiment cool pour vous. J'espère que vous le ressentez, tout ça. Oui. Ça fait. Merci ça à Greenpeace. Aussi, on en parlait en début d'émission. Et François, tu ne seras pas étranger à Devil Joe. Eh bien, écoute, vu que j'ai quitté la Cafetera Roja et que Vincent me remplace dans la Cafetera Roja, il m'a demandé prestement et très gentiment de remplacer dans David Joe, chose que j'avais déjà fait il y a quelques années, en 2019, 2018-19. Et j'y avais pris un très grand plaisir. Ça fusionne pas mal, du coup. Donc, du coup, c'est un mercato. Et du coup, j'aurai la joie de participer à pas mal de dates cette année. C'est surtout, moi, je trouve, une belle histoire d'amitié, tout ça. Oui, bien sûr. Et puis, de respect entre nous, tu vois. On est là, on est des gars, à mon avis, plutôt propres sur nous et qui font qu'on peut, on peut échanger comme ça et sans... Il n'y a pas de problème d'ego en fait. On est là, super, très bien. Et puis après, Vincent, quand il aura fini son aventure Cafetera, il reprendra sa place dans David Joe et puis voilà, c'est clean quoi. Très bien les amis, écoutez, on a été très très contents de vous recevoir, on est obligé de fermer. Vincent, merci. Merci beaucoup à vous. À la batterie. Laurent, guitare, cœur, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde. Et François aussi. Merci pour votre passion et merci vraiment pour tout. Et puis, il y a d'autres émissions musicales sur Duo où vous pouvez vous renseigner pour passer, par exemple. Peut-être, hein. Voilà, plus vous ferez d'interviews, plus vous serez connus. Bien sûr. Voilà. Au moins, on espère tout le meilleur pour vous, les amis. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, et on se quitte avec... Pardon, David. Plein de bonnes choses et à bientôt avec la sortie de l'album. Et dès que vous avez des dates, n'hésitez pas. Eh ben, ça marche. Avec Véro qui est en pleine forme ce soir. merci Véro, merci David, merci les amis. On se quitte avec le dernier morceau d'Apex. Voilà, un CD. Un morceau qu'on a enregistré, qu'on peut aller écouter sur YouTube. Un morceau qui parle de nos enfants et qui s'appelle What Children Have to Know. Merci les amis. Merci. Bonne soirée. Avec plaisir. We'll be right back. So good to be.